Et ouais, on a la rage de nos générations. Ouais, on lâche des phases pour nos générations. On tourne la page de ta génération. On prend la place pour nos générations. Et ouais, on a la rage de nos générations. Ouais, on lâche des phases pour nos générations. On tourne la page de ta génération. On prend la place pour nos générations. Encore un staff qui bosse pour que t'es pas flat fait. Moi je représente mon buzz sur un texte frais. Passe-moi une tape-tape sur le buzz pour que je tape-tape ton 16. Et son va te faire l'effet d'une claque-laque avec mon sexe. Génération 88 qui a smoké des kilos de weed, qui enchaîne à teaser les quids en mangeant des tonnes de quicker. Moi quand je kick, je clique sur le détonateur. Tes oreilles transforment en clitomastique quand vibre ma sœur. B-A-B-T-U-C-H. Retiens le blast, c'est la new school. Fil qui win que je rase. Et mat que je casse tout. Bien sûr que je suis casse-cou. C'est pas peut-être qui esquive les meufs un peu casse-cou. Monte le casse-cou, fais tourner les platines. Toujours en place pour un freestyle sur un parking. Y'a pas de panique, j'suis toujours aussi stylé. J'vous laisse mon trône, ma couronne et mon stylo. Ma génération ne pleure pas ou bien seulement en silence. Ses émotions se sont cachées car elle fait peu de confidence. Sa confiance n'est pas exposée, les conflits tendent d'exploser. Y'a tellement de névrosés que ce monde devrait s'excuser. Encore un texte osé pour ma génération, écoute ça. Les rimes sont bien dosées et réfléchis tout comme des coups de ça. C'est good ça cousin mais ce monde écrase comme une touche par. Coupe ça, j'en place une pour ceux qui se moquent mais qui ne touchent pas. Balance le son tout part pour les guerriers de ma génération. On a la dalle sous ça depuis la cour de récréation. De Lille à Marseille en passant par Orly. Et trop balèze comme Sangoku, elle face à Broly. Et remballe ton Broly, j'ai le katana, amour à massage. J'me de la peu hydroponique, passe-moi des garros et massage. Gros t'es en balle, mais qu'est pas ça. De toute façon, j'suis que de passage. Bob Touch et RSK pour te fumer si t'es passage. Et ouais, on a la rage de nos générations. Ouais, on lâche des phases pour nos générations. On tourne la page de ta génération. On prend la place pour nos générations. Et ouais, on a la rage de nos générations. Ouais, on lâche des phases pour nos générations. On tourne la page de ta génération. On prend la place pour nos générations. Tiens, j'ai ici ça qui que ça. Mais dites-moi que pas ça. Gros, t'es fini. Si tu cherches la maille, moi cherche l'inspi dans les massages. Je perds ma salive, un vrai massacre. Que ces bâtards d'MC balise. Pour faire plaisir au rap, il est pas trop tard pour faire vos balles. Mais il ne fa fa fa et on vient vous cacacacaner. La new school, c'est cacacarri. Et ma tombe, c'est cacacarré. On m'attira ce qu'il faut que tu te calmes. Tu fais trop mal, mal. Ils tiennent le micro comme une puce. Elle tient une bite. Ouais, il m'animale. La rage d'un animal comme les frères de nos générations. C'est pas de l'amour qu'on veut, les man, c'est de la vénération. Alors ça tape sur nos projets, dans le futur on te projette. J'ai écouté ce que tu fais, on peut pas dire que tu progresses. Dans ce morceau comme une promesse, à part du rap pur et pur. T'as plus la barbe sous les molaires, on voit bien que t'as plus les gros. Les corps renaissent toujours en place, jamais très loin de la barrette. Pourquoi tu viens tout pas, tu viens comprendre qu'il faut que t'arrêtes.